double, être incapable de défier les désirs indomptables. Money, super game, but don't you get it? I should know I'm bad.